cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Taqaddam ma'ana fi darsina l'akhir, dans l'étude de cette risala, al-Zawaj, de Cheikh Ibn Uthaymeen, les règles du mariage. On a commencé la lecture du 8e chapitre, fi al-Athar al-Mutarattiba al-Nikah. Celui qui se marie, enfin, ça va impliquer des choses qu'il devra faire, des obligations. L'obligation de donner la dot à la femme. Et on a lu Kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Qala, thaniyan, deuxième chose, an-nafaqa. Qala fa'ala al-zawj, an yunfiq ala zawjatihi bil ma'ruf. طعاما وشرابا وكسوة وسكنا فإن بخل بالشيء من الواجب فهو آثم ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها أو تستدين عليه ويلزمه الوفاء النفقة فكما قال شيخ ابن عثيمين c'est le fait de nourrir sa femme, bi'idhni Allah Azza wa Jal, bien sûr, et faire les causes. Kadhalik ma yata'alaq bi al-kiswa, les vêtements. Kadhalik al-sukna, un endroit où vivre. Tout ça, c'est ala al-zawj. Tout ça, c'est ala al-zawj. Amma hadhihi al-mar'a, elle a des obligations. Kadhalik, et c'est elle qui devra s'occuper de son mari, laver ses vêtements, la nourriture, il a akhiré. Amma al-zawj, fa min wajibatihi, c'est al-nafaqa. C'est lui qui doit dépenser pour sa femme, que ce soit la nourriture, ou al-sharab, bien sûr, al-kiswa et al-sukna. Tout ça, bil-ma'ruf. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, an yunfiqa ala zawjatihi bil-ma'ruf. Wa hada, c'est muhim. On peut se poser la question, combien il doit dépenser par mois? Hada, c'est bil-ma'ruf. Je ne trouverai pas un dalil, fil Qur'an ou fil sunna, qui définit combien. Là, ça dépend. Ça dépend des pays, ça dépend du couple. Ça dépend de la situation du mari. Al-muhim bil-ma'ruf. Et ça, c'est important. Hatta hadhihi al-mar'a la tatlub min zawjiha akthar min hadha al-ma'ruf. Si elle mange, walillahi al-hamd, elle a des vêtements, de quoi se couvrir. Et kadhalik, elle a un toit. Elle vit dans une maison, dans un appartement. Falhamdulillah, c'est une ni'ma azima. أما بعض النساء للأسف peut-être qu'elle demande trop à son mari وهذا لا ينبغي الواجب عليه l'obligation c'est هذه النفقة بالمعروف أما plus des choses en plus هذا même si le mari il a la capacité et il fait plaisir à sa femme à ses enfants فالحمدلله et s'il ne le fait pas فالإسانسيال c'est qu'il fasse au moins الواجب وكلما الزوج أنفق على زوجته وأولاده وأكرمهم فالحمد لله c'est des حسنات لكن pour fermer les portes des problèmes أن la femme son حق c'est هذه النفقة بالمعروف la nourriture les habits les vêtements et un logement قال فإن بخل بالشيء من الواجب فهو آثم si cet homme se marie il a un taqsir fil wajib. Et il ne dépense pas alors qu'il devrait. Et il y a un manque dans la nourriture ou dans les vêtements ou dans le logement. Il est athim. Et il est fi ma'asiyah. C'est un péché. Les ma'adha, les anna, c'est wajib alayh. Cette femme, elle a un haq sur lui. Elle s'est mariée, les anna, c'est un musulman. Et elle a des droits, elle a des devoirs. Enfin, parmi ses droits, c'est anna faqat. Elle mange, elle s'habille et elle a un endroit où vivre. Qala. ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها. أي si cet homme il a un taqsir. Si c'est parce qu'il peut pas, la femme elle doit patienter. Et elle s'entraide معه. ولو بالكلام الحسن. Elle l'encourage, elle le motive. لأن أحيانا cet homme peut-être qu'il trouve plus de travail, peut-être qu'il a été éprouvé par une chose, il a moins d'argent. فالحمدلله المرأة المؤمنة الصالحة. Elle comprendra son mari dans ce cas et elle patientera. حتى يفتح الله عليهما. لماذا لأن ce زوج, s'il y a eu un manque et il n'a pas la capacité, va, c'est pas volontaire qui veut faire du mal à sa femme et ses enfants. Là, lakin ça arrive. Avec cette hal, la femme est patiente. Lakin dans un cas que Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité هنا, annahu il a du mal, il a de l'argent, lakin à cause de l'avarice, ayyadan billah, al bukhl, et il dépense pas assez, ça fait du mal à cette femme. Dans ce cas, elle a le droit de prendre de l'argent de son mari, même s'il est pas au courant. Et si elle a un manque de vêtements, enfin, elle achète des vêtements. Si elle a un manque de nourriture, elle achète de la nourriture. Comme a dit Aïcha radiallahu anha, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, elle a dit دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. Elle s'est plaint auprès du prophète صلى الله عليه وسلم أن son mari il avait un تقصير في النفقة, il y avait un manque. فقالت, elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح. Et si je prends de son argent sans l'informer, est-ce que c'est un mal? قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف. فتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام بالمعروف. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. Et prends de son argent بالمعروف. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a autorisé. Dans ce cas c'est pas du vol. Dans ce cas c'est pas de la trahison. لماذا؟ لأن هذا المال أصلا cette partie qu'elle va prendre c'est son حق. L'homme, imma il le donne de bon cœur, imma s'il ne le donne pas et cette femme elle peut le prendre, elle le prend. L'imada li annaha c'est son haq. Lakin bil ma'ruf. Si elle a besoin de s'acheter un vêtement de telle valeur, elle achète ce vêtement. Amma dépasser les limites et prendre plus, fahada la yajouz. Elle prend bil ma'ruf ce qu'elle a besoin, elle et ses enfants. De nourriture, aux vêtements, aux boissons, aux ghayri dhalik min al umur al muhimma. قال شيخ العثيمين أو تستدين عليه. لأن ça peut arriver أن elle ne sait pas où qu'il est son mal. Ça arrive هذا. Et elle a besoin. Si elle peut prendre une dette vers une personne qu'elle connaît, et elle dit mon mari, il te les rendra. Et elle emprunte. Son mal informe son mari. Anna, j'ai emprunté de l'argent vers Foulane et tu dois le rembourser. Pourquoi les Anna ont manqué de cette chose et tu ne veux pas nous l'acheter? Et في هذا الحال il est obligé de rembourser. لماذا؟ لأنها لا دت كلا فس son حق. Il est obligé de rembourser. قال ويلزمه الوفاء. Il est obligé de rembourser. قال ومن النفقة الوليمة. Donc النفقة la base c'est que le mari dépense pour cette femme. Et من النفقة كذلك الوليمة. الوليمة c'est le repas qui est préparé le jour du mariage. Et le repas de mariage. قال وهي ما يصنعه الزوج من الطعام أيام الزواج ويدعو الناس إليه وهي سنة مأمور بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. بعض العلماء يقولون سنة مؤكدة, بعض العلماء يقولون واجب, c'est obligatoire الوليمة, والذي يظهر c'est واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث أولم ولو بشاء. أولم ولو بشاء, c'est un ordre, fais une walima ولو بشاء. بعض العلماء ils ont déduit de ce hadith que c'était obligatoire. على كل حال الوليمة فيها خير. كذلك celui qui est invité c'est une obligation qui répond. Celui qui est invité c'est une obligation qui répond. كذلك على الصحيح. قال ولكن يجب في الوليمة أن يجتنب فيها الإسراف المحرم وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج. Donc, al-walima, c'est mashrou'. Bah, l'ulama, il dit c'est une sunna, bah, l'ulama, il dit c'est wajib. Donc, on ne doit pas délaisser. Là, ça fait partie de notre din. Donc, celui qui se marie fait une walima, un repas, et il invite ses proches. Kadhalik, on fait attention de ne pas gaspiller, tomber dans le gaspillage. Enfin, préparer ce repas, si 50 personnes elles sont invitées, aux 20, aux 30, l'insan, il prépare par rapport aux personnes qu'il a. Amma rajouter, exagérer, thumma, robama, la moitié de hada ta'am, il finit via al-mazbala, hada, c'est pas min shukr al-ni'ma, et al-israf, c'est haram. قال ولكن يجب في الوليمة أن يجدن فيها الإسراف المحرم وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج. أما ما يفعله بعض الناس يقول شيخ ابن عثيمين لأنبورتان هنا أن تكون بقدر حال الزوج أن الإنسان يسنبوز بأو تسو سي كاباسيتي سي توالا كاباسيتي مثلا de sacrifier telle bête à tes moyens, مثلاً, un mouton ou أقل من ذلك ou أكثر, alhamdulillah, celui qui a les moyens et يكرم ضيوفه et fait plaisir à ses invités et il profite parce que c'est son mariage, alhamdulillah, s'il a une bonne niya, il sera récompensé. لكن المهم على قدر حال الزوج. On fait attention de ne pas vouloir se montrer comme يفعل بعض المسلمين أنهم يرغب souvent أو trop le regard des gens. فcette walima il faut que ça soit comme tout le monde. Alors que là, peut-être que ton voisin va faire une walima, il a les moyens. Il va sacrifier peut-être une vache avec des moutons et muhim khayrat. Il a les moyens. Alhamdulillah. Peut-être que anta tu n'as pas les moyens. Tu as les moyens que de sacrifier un mouton, مثلاً. Par rapport à ton niveau. أما في هذه الأيام أن كثيرا من الناس خاصة في هذه الولائم في الأعراس دار المغيال أنهم veulent se montrer ولا يرضون أي dans le quartier dans la ville tout le monde fait كذا pourquoi نحن on ferait pas et بعضهم peut-être qui s'endettent بعضهم peut-être qui vendent des choses précieuses pour pouvoir faire cette walima وهذا c'est من التكلف qui c'est qui nous a imposé هذا personne. Belle, c'est que pour le regard des autres. Et peut-être que Haoula, ils vont venir manger et ça sera les premiers à critiquer. Là, l'essentiel, c'est de faire les choses pour que Allah il soit satisfait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ça nous montre que le walima, c'est mashrou. Allah, il l'aime. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné. Mais nous, on fait min hadha al-bab. Mais les gens, même si tu veux les satisfaire, tu n'arriveras pas. فعلى كل حال شكاً par rapport à ses capacités. قال أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمية وكيفية فإنه لا ينبغي ويترتب عليه صرف أموال كثيرة بلا فائدة. Et بعضهم في الحقيقة صحيح ils exagèrent. Même celui qui a les moyens, il ne doit pas exagérer. Entre les locations et بعضهم للأسف c'est du haram. أنهم يزافتان جروب دي جروس سوم في هذا دون الحرام لماذا؟ سو مارياج يكومونس دون موفيز فاسون إي سي لو مارياج يكومونس سون بركة أفيك دي معاصي بوتيتر كو سا فورا دو مال أ سو كوبل بعضهم كذلك سي با دي شوز حرام لكن يزيكزاجير كما قال شيخ ابن عثيمين كمية أو كيفية الكمية سي لو نومبر مثلا يا 50 بيرسون. Enfin, le repas, c'est pour 200 ou 300 personnes. L'imada. Pourquoi exagérer? Et t'as le monde, notre ta'am, s'il n'est pas mangé le jour même ou le jour d'après, c'est à la poubelle. Et tellement que certains exagèrent, et ils sont dans des endroits, il n'y a pas de fuqara masakin, tu ne peux même pas le distribuer. Plus personne en veut. Oh, Satan, un jour après, deux jours après, et ça finit. Ça finit à la poubelle, et hada la yassu. Alors, ba'dhum, kadalik fi al-kayfiyya. Et des choses inutiles qui prennent beaucoup d'argent. مثلاً tel نوع, telle décoration, tel. Et en réalité, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. فلا ينبغي. هذا المال c'est une نعمة. خاصة le couple au départ, ils ont des besoins. La femme elle a des besoins, l'homme il a des besoins. Ils doivent peut-être meubler un appartement. Ils doivent peut-être faire telle chose. المهم ثم s'il y a des enfants, ça demande encore des moyens. Celui qui a du mal, il pense à ces choses. Et au lieu de gaspiller des milliers ou des millions pendant ce jour ou ces deux jours, enfin, l'insan, alhamd, il achète ce qu'il a besoin, il a akhir. Cheikh Fawzan, hafidahullah, fi al-mulakhas al-fiqhi, fi kitab al-nikah, le chapitre du mariage, il a cité un bab. نافع في النفقة إلى الستة الأدلة لينفق ذو سعة من سعته فصصي عن دليل من القرآن أن الرجل يجب عليها أن ينفق على زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وتقدم هذا الحديث اللي في صحيح مسلم, أي كسوتهن لفتمو رزقهن أي la nourriture, ça c'est une obligation pour le mari. Et dans des cas, et c'est ça qu'on voulait lire huna min bab al fa'ida, dans certains cas cet homme il a plus à dépenser pour cette femme, أي النفقة تنقطيع. Il y a des cas. Minha al-mutallaqa. Et quand l'homme divorce, qala Cheikh al-Fawzan, wa amma al-mutallaqa al-ba'in baynuna kubra ou baynuna sughra, fala nafaqata laha wala sukna. Lima ja'a fi al-sahihayn min hadith Fatima bint Qais, radiyallahu anha, tallaqaha zawjuha al-batta, faqala laha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nafaqata laki wala sukna. On revient à l'mutallaqa, et inshallah on détaillera qalilan ma yata'allaq bi talaq, le chapitre précédent, et c'est le dernier chapitre de notre risala, c'est sur le divorce. Inshallah on verra des choses sur ma yata'allaq bi talaq. Lakin huna on cite ces masayil, limala liyanna c'est lié à la nafaqa. Est-ce que le mari doit dépenser amla dans ce cas? Al-mutallaqa al-ba'in baynuna kubra ou baynuna sughra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire al-baynuna, c'est quand l'homme il divorce sa femme. Et les deux cas qu'il a cités, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, l'homme il a plus à dépenser pour cette femme. Que ça soit baynuna kubra ou sughra. Al-kubra, c'est quand l'homme il divorce sa femme trois fois. Yutalliquha, thumma elle revient, il la reprend. Première fois, thumma une deuxième fois, la troisième fois, c'est plus sa femme. Elle est haram alayhi. Et elle devient ajnabiya par rapport à lui. Et vu que c'est plus sa femme, il n'y a plus de nafaqa. Fi hadha al-hal. C'est plus sa femme, sauf si elle se remarie avec un homme, et il a des rapports avec cette femme, thumma il la divorce pour une raison. Enfin, dans ce cas, le premier mari il a le droit de la redemander en mariage. Et s'il la redemande en mariage, ça redevient sa femme. ثم يجب عليه النفقة. Donc le premier cas, s'il a divorcé trois fois, il n'y a plus de nafaqa. البينونة الصغرى, c'est quand l'homme divorce sa femme, معروف أنه tu peux la récupérer. لكن il y a un délai. Et العدة c'est ثلاث حيض. C'est trois cycles de menstrues. Si il la récupère pas, il la reprend avant ces trois cycles, s'il la reprend, ça redevient sa femme. Pas besoin de haq, pas besoin de refaire un contrat de mariage. Non, c'est sa femme. Si ce délai il est passé, c'est plus sa femme. Enfin, si ce délai il est passé, il n'y a plus de nafaqa. Elle retourne chez son père ou elle se remarie. Et hada zawj, il n'a plus à dépenser pour elle. Après les trois cycles, s'il veut se remarier avec elle, fayajouz, lakin avec un contrat de mariage. Avec un contrat de mariage, avec le wali, tout ce qu'on a expliqué au début de la risala. Wa hadha la'allahu, inshallah, on le verra ensemble dans le dernier chapitre. Al-muhim huna, qala, al-imam al-qayyim rahimahullah, al-mutallaq al-ba'in la nafaqat laha wala sukna bis sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-sahiha bal al-muwafaqa li kitabillahi ila akhir. Donc, al-mutallaqa, que ce soit al-ba'in al-kubra ou al-sughra, comme on a détaillé qalilan, hadhi, elle a plus de nafaqa ou la sukna. Elle retourne chez ses parents et elle a plus de nafaqa. Hada wadih. Qala illa an takuna al-mutallaqa al-ba'in hamilan. Sauf si hadhihi al-mutallaqa al-ba'in elle est enceinte. Si elle est enceinte, falaha al-nafaqa. Limadha? Li'annaha elle est enceinte. Al-ulama akhtalafu, est-ce que c'est pour la femme et l'enfant ou c'est que pour l'enfant? Ala kulli hal, il doit donner un nafaqa jusqu'à ce qu'elle accouche. Même si c'est plus sa femme. Limadha? Li'anna elle porte son enfant et elle a besoin de certaines choses. Fa laha un nafaqa as-sukna, et kadhalik il dépense pour elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et huna, ne pas comprendre, on détaille pas tout nous dans le divorce. Dans certains cas, il doit donner de l'argent à sa femme. Et après, tous ces détails, nous, on n'en parle pas. Nous, on parle de nafaqa. Et on ne rentre pas dans les détails. Qala, كذلك تسقط أو تسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة. Des autres cas où l'homme il a plus à dépenser pour sa femme. قال شيخ الفوزان منها إذا حبست عنه سقطت نفقتها لفوات تمكنه من الاستمتاع بها والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع. نعم. مثلا elle va chez ses parents, elle retourne chez ses parents. Ils ne sont pas divorcés. Lakin, elle est partie chez ses parents. Si on qadre sans son accord pendant une semaine, pendant deux semaines, elle mouhim, et Houa, il ne peut plus avoir de rapport, ma'aha, elle n'est plus avec lui, il n'a pas dépensé pour elle pendant ce temps-là. Houbisat an. Léanna, comme yaqul ahl al-ilm, an-nafaqa, c'est fi muqabil al-istimta'. Haqqullah subhanahu wa ta'ala pour chacun. L'homme, il doit dépenser, lakin, il doit pouvoir avoir des rapports avec cette femme. Enfin, s'il y a un empêchement, fa'viyad al-hal, il n'est pas obligé de dépenser. Ne pas comprendre minhada, si la femme elle tombe malade ou elle est fihal hayd, elle ne peut plus avoir de rapport, anaoula yunfiq alayha. Là, abadan. Ça, c'est cette femme, elle n'a pas le choix. Et toutes les femmes, elles sont touchées par hada. Là, on parle de d'autres causes et il va citer des autres points qui vont éclaircir. قال ومنها إذا نشزت عنه فإنها تسقط نفقتها والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له. كما لو امتنعت من فراشها وامتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها إلى آخره. النشوز c'est المعصية. Une femme qui désobéit à son mari. Cheikh Al-Fawzan, Hamidallah, il a cité cet exemple. Mathalan, elle ne veut plus avoir des rapports ma'a. C'est son haqq. Et في هذا الحال elle est ظالمة. Elle est injuste. Dans ce cas, il a le droit de ne plus dépenser pour elle. كذلك un autre cas qui arrive souvent, أنها ne veut pas se déplacer ma'a. Mathalan, il a décidé de changer de ville, de déménager pour une cause. Mouhim, ça c'est biyad rajul, ça c'est mouhim. Lianna al-mar'a, elle a des droits, elle a des devoirs, l'homme il a des droits et des devoirs, et parmi les droits du mari, annahu, c'est lui qui décide. Mathalan, il veut déménager. Et il déménage, et cette femme elle refuse de le suivre. Ayad al-had, si elle refuse de le suivre, la nafaqata laha, tant qu'elle ne le suit pas. Limada li annaha nashizun, aasiyatun, lillahi azza wa jal, et li zawjiha. Et il a cité d'autres points. Là, Natawassa, on a cité Ada que pour vous montrer des fawa. Et on répète, là, on n'a pas tout cité. Il peut y avoir des choses qu'on n'a pas citées. Et ce genre de chapitres, ils sont détaillés fi kutub al-fiqh, bab al-nikah. Et fi bab al-nikah, il y a plusieurs chapitres. Parmi ces sous-chapitres, tu trouveras le sous-chapitre de l'walima, tu trouveras le sous-chapitre de nafaqa. Tu trouveras le sous-chapitre de tout ce qu'on voit là, de l'mahr, al-sadaq, et plein de hadith et kalam ahl al-ilm. Amma Cheikh Ibn Uthaymeen, huna son objectif, rahmatullah alayhi, c'était de résumer. Enfin, nous, on laisse les choses simples, et là, on cite quelques fawa'id, pour faqat nous, bien sûr, pour qu'on applique, pour avoir des connaissances, et kadalik, pour nous motiver à étudier d'autres livres, hatta on comprend ces masa'il. Donc on a fini ما يتعلق بالنفقة. ثالثا الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليها. قد جعل الله بين الزوج وزوجته مودة ورحمة وهذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها. نعم en se mariant, هذا تقدم معنا أن en se mariant cet homme il va connaître cette femme et elle aura des حقوق sur lui et كذلك les proches de cette femme, ses beaux-parents, ses beaux-frères, il a arrêté kadalik. Cette femme, elle aura des proches, les proches de son mari. Enfin, ça va faire des liens, il a arrêté. قال رابعا المحرمية. هذا تقدم. تقدم معنا dans les dourous sur المحرمات من النساء. قال فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها وإن علون. En se mariant, bien sûr, sa femme, elle lui est halal, il peut avoir des rapports, ma'aha, il a akhiri, c'est sa femme. Et la mère de cette femme, ça devient sa belle-mère. Et elle est muharram alay. Et ouais, c'est un muharram pour cette femme. Donc c'est sa belle-mère, il n'a pas le droit de se marier avec elle, même s'il divorce avec sa femme, comme taqaddam, même si sa femme, elle décède. Et cette femme, sa belle-mère, bien sûr, il a le droit de lui serrer la main, il a le droit de rester avec elle seule, il a le droit de voyager, ma'aha. Tout ça, C'est quoi la cause? C'est le mariage avec cette femme. قال ويكون محرما لبناتها. S'il s'est marié avec une sœur qui a déjà des filles, elle a des filles avec un, le père, c'est pas lui, c'est un autre homme. Enfin, ses filles, ça devient ses belles filles. Et تقدم معنا أن ses filles sont haram pour lui. Et lui, c'est un mahram. قال وبنات أبنائها. نعم. Si elle a un fils et son fils, il a une fille, enfin, c'est le même cas. Tout ça تقدم معنا. قال وبنات بناتها وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهن الزوجة وكذلك الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا. كذلك la femme, ton père, ça sera son beau-père, et c'est un mahram pour elle, et ton grand-père aussi, et ça monte, et كذلك tes enfants, tes petits-enfants, إلى آخره, et tout ça تقدم معنا في باب المحرمات من النساء. قال خامسا, cinquième et dernier point, الإرث. En se mariant avec cette femme, avec un contrat de mariage sahih, cette femme, si tu meurs, elle héritera de toi. Et elle, si elle meurt, tu vas hériter d'elle. قال فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فإنه يجري التوارث بينهما لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله توصون بها أو دين ولا فرق بين أن يدخل بها ويخلو بها أم لا. Tant que il y a eu un عقد صحيح, un acte de mariage avec cette femme, même s'il n'y a pas eu de rapport, et cette femme elle meurt, ou l'homme il meurt, alors qu'il y a un عقد, l'homme il hérite de la femme, et la femme elle hérite de l'homme. Dans les deux cas ça va. ولا فرق بين أن يدخل بها ويخلو بها أم لا. نعم. Tant qu'il y a un عقد صحيح. فلهذا قال فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح. C'est un contrat de mariage. Cette femme, si son mari meurt, elle hérite de lui. Et cet homme, si sa femme elle meurt, il hérite d'elle. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص في باب الميراث. قال للزوج النصف. أي نقرأ. Min bab al-fa'ida, et en résumé, combien la femme elle aura le droit sur les biens de son mari, et combien le mari il aura le droit sur les biens de sa femme. Et si son épouse elle meurt, ou la femme si son époux il meurt. Qala li zawj, et si la femme elle meurt, elle décède, li zawj an-nisf, ma'a adam al-walad wa walad al-ibn. Si sa femme elle décède, et cette femme elle n'a pas d'enfant, ni avec lui, ni avec un autre, elle n'a jamais eu d'enfant. Ah, voilà, il y a eu des enfants, ils sont plus là. Mouhim. Quand elle meurt, il n'y a pas d'enfant. Qala lahun nisf. L'homme, il prend la moitié de ses biens. Qala wa rubu' ma'a wujud al-walad aw walad al-ibn. Si elle a laissé un enfant ou un petit enfant, wa in nazal kama taqaddam ma'ana. Ay, c'est valable si elle a un enfant, un petit enfant, un petit enfant. Mouhim. Elle a une descendance, l'homme il prend le rubu', il prend le quart. قال لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية واضحة. ولكم النصف. Et si elle n'a pas délaissé d'un enfant, et si elle a délaissé un enfant, si elle a un enfant, plusieurs enfants, l'homme il prend le quart. Et le reste, c'est pour les enfants. La moitié, si elle n'a pas d'enfant, le quart, si elle a des enfants. Hada, c'est pour l'homme. Et si la femme, elle décède. Qala wa lizawja. Et si l'homme, il meurt, et il a délaissé des biens, et il a délaissé une femme, fa akthar. Qu'il ait délaissé une femme, ou deux, ou trois, al-muhim, ce qu'il a délaissé, elle se le partage entre elles. Si elle est seule, cette femme, elle prendra sa part, et si elles sont plusieurs, c'est la même part. Ne pas comprendre, là, s'il a délaissé deux femmes, chaque femme, elle prend une part. Là, la part, c'est la même. Que cette femme, elle soit seule, ou qu'elle a des co-épouses, elles sont quatre maintenant, c'est la même chose. Donc la part, elle ne change pas. Ça change rien, la part, c'est la part. Si elles sont plusieurs, elle se partage cette part entre elles. قال وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث. Le فرع c'est enfant ou petit enfant. Si cet homme il meurt et il n'a pas d'enfant, la femme elle prend le quart. Si elles sont plusieurs, elles sont deux, elles prennent le quart à deux. Si elles sont trois, elles prennent ce quart, elles le divisent en trois. Mouhim, le quart, il ne bouge pas. Si il n'a pas d'enfant. Si il a délaissé des enfants, elle prend que un huitième. لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الدليل إلى واضح. في هذه الأمور il faut revenir à ce genre d'أدلة. On fait attention au sentiment والعاطفة. لأن بعض الجهال ربما ils comprennent pas pourquoi cette femme mesquine, elle prend que le huitième, alors que c'était sa femme. Ça c'est hukmullah subhanahu wa ta'ala. La yajouz al-i'tirad. On n'a pas le droit d'être contre ou de faire passer la raison. Là, c'est pour ça que si cet homme il délaisse des biens et cette femme elle n'a pas d'enfant, même si elle est seule, elle prend un huitième. Même s'il a laissé une maison. S'il a laissé une maison, Bard al-Juhal, il pense que cette maison, ça revient à la femme. La maison, ça fait partie des biens du mari. Si eux, ils veulent lui laisser la maison, il a khilif, c'est min sha'nihim, s'ils veulent faire du ihsan, il a laissé tayyib. Lakin, si on prend un cas et ça arrive, les enfants, ils veulent leur pas. Et ils décident de vendre la maison. Enfin, la maison, elle est vendue. Et la femme, elle prend un huitième. Et vu que le mari, il est mort, il n'y a plus de nafaqa. Et ne pas comprendre, comme il comprend Bard al-Juhal, on va prendre de Tariqa. Tariqa, c'est ce que l'homme il délaisse. Et il est bien. Pour An-Nafaqa, c'était sa femme. Là, avec sa mort, An-Nafaqa, elle s'arrête. Et elle a un haq sur l'héritage. Et le haqqa, il y a une hikma azima. L'imam ta'amma. Les anna-al-Bard, ils réfléchissent pas et ils n'arrivent pas à comprendre. Ou ils pensent que c'est pas juste. Iyadam billah. Et c'est grave. Hukmullah, il est haq. L'imam de la femme, elle a que un huitième ou un quart. Et là, cette femme, elle peut se remarier. Mais les enfants, ils n'ont qu'un père. C'est pour ça qu'ils ont une somme. Et Kadalik, ses enfants, peut-être que si c'est des garçons, c'est pour ça que les garçons, ils ont le plus grosse part. Les garçons, après, ils doivent se marier. Et eux aussi, ils doivent payer. Ils vont avoir une femme, une nafaka, ils ont besoin d'argent. Mais cette femme, elle se remarie et son mari, il lui paye. Il lui paye un logement, il lui donne à manger, il a akhri. Et Kadalik, si elle se marie et son deuxième mari meurt, elle a encore une autre part. Ça veut dire qu'elle aura le quart du premier et le quart du deuxième. Et si elle se remarie une troisième fois et son mari il meurt et il n'a pas d'enfant, elle reprend un quart. C'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup pour un, et elle peut avoir des autres maris. Un mal enfant, il n'a qu'un père. Falihada, il prend plus. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, on fait attention. Kama yaf'alu al-ba'd. C'est pour ça que al-an, il y a ba'd al-munafiqin ou ba'd al-dullal, ils poussent. Et ils mettent la pression au gouverneur musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqahum li kulli khayr, pour que al-qisma fi al-irth, dans l'héritage, l'égalité. La femme a la comme l'homme. Pourquoi le garçon, les zakaray mitlu hadd al-unthayayn, pourquoi le garçon il a l'équivalent de deux parts? Matalan, s'il y a deux filles et un garçon, le garçon il prend la moitié et les filles elles se partagent l'autre moitié. Enfin, le garçon il a le double. Et Al-Ba'd, ils appellent à l'égalité. Là, normalement, c'est 50-50. 50% pour le garçon, 50% pour la fille. وَهَذَا سَمِنْ أَعْظَمِ الْجَهَلُ وَهَذَا سَيْعْتِرَادٌ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ. Et ça, c'est très très grave. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا ما يتعلق بهذا الباب. Et à partir du prochain dars, نقرأ les deux derniers chapitres, inshallah, sur الطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك. شهدوا لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.